Monsieur le juge du tribunal pour enfants, je vous fais une lettre. Oh, je sais que vous n'êtes pas un saint prêtre, mais prenez le temps de lire mon tourment. J'en ai parlé à mon instituteur, à mes parents, à monsieur le curé. Ils m'ont dit « Tu mens ! Tout ça, c'est dans ta tête d'enfant !» Moi, je sais bien que c'est pas là que j'ai eu mal. Je suis collé à la fenêtre, je ne suis qu'un tout petit être qui a perdu le nord. Dieu, que j'ai mal encore. Là-bas, une petite fille dans le pré s'en va ramasser des fleurs parfumées pour apporter à l'école tantôt. Alice aime bien son instituteur, les récrés sont toujours à l'heure. Grâce à lui, elle aura un métier beau. Là-bas, dans le parc du château, ma sœur s'est assise au bord de l'eau, ses longs cheveux blonds sur sa nuque. Elle écoute son fiancé lui parler d'amour. Il a ouvert ses yeux de grand-duc pour lui dessiner leur toujours. Je suis collé à la fenêtre, je ne suis qu'un tout petit être qui a perdu le nord. Dieu, que j'ai mal encore. Là-bas, les arbres touffus et grands s'esquissent à la surface de l'étang. Les ombres animent ses squelettes en des ombrelles piquées de nénuphars pour abriter de centaines joueuses ablettes. Il n'y a de sauvage que les canards. Là-haut, le vent pousse des nuages, j'y vois de grisonnants visages, cotons à démaquiller le ciel d'été. J'y vois des formes bizarres, des passagers, je leur donne vie le cœur tendu, en leur confiant mes illusions d'enfants perdus. Je suis collé à la fenêtre, je ne suis qu'un tout petit être qui a perdu le nord. Dieu, que j'ai mal encore. Dehors, tout n'est que folle peinture, mais je ne puis m'accrocher à cette nature. Quand je ferme les yeux désormais, je ne vois que des fleurs séchées sur la dalle d'une tombe craquelée où reposent mes rêves d'enfants écartelés. Et moi, je suis seul dans ma chambre, frémissante de tous mes membres. Ce monsieur-là, il était si gentil, il a transpercé mon vierge calice. Dans mes entrailles d'enfant, il a semé sa folie. Mais les anges ne sont pas de la police. Monsieur le juge du tribunal pour enfants, voilà ce que je voulais vous dire à présent. Je sais bien qu'on pourrait les tuer, je sais bien qu'on pourrait leur couper, mais des messieurs bien gentils, il y en a plein, plein la vie. Oh, je ne vais pas m'enfermer au Carmel. À Pâques, il est violé aussi. L'hôtel. Non, je ne suis plus qu'une petite fille qui traîne dans son cartable l'irréparable.